Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment fabriquer de l'huile d'olive? Dans un premier temps, comme une évidence, il faut récolter les olives, puis les laver et enlever le feuillage. L'étape suivante est le broyage, où les olives écrasées forment une pâte qui est ensuite pétrie. Voici le temps de l'extraction avec un pressoir ou une centrifugeuse pour voir couler leur verre, l'huile d'olive. Première pression à froid pour magnifier nos salades. Maintenant, comment obtenir de l'huile de pierre, de caillou? Faut-il prendre les pierres, les laver, les broyer, les presser pour en obtenir leur jus? Pas du tout. Pour produire de l'or noir, il faut creuser, il faut forer. Car le pétrole est bien de l'huile de pierre, au moins par son étymologie de petra, la pierre, et de oleum, l'huile. L'huile de pierre, le pétrole, le bitume, le naphte, le malt, autant donné à ce liquide, une ressource qui a longtemps paru mirifique, mais qui, aujourd'hui, met une pression sur notre environnement à chaud. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous explorons une histoire souterraine, celle du pétrole. Après le pétrole comme facteur géostratégique pendant les conflits du XXe siècle, aujourd'hui, comment le pétrole et dans son sillage les gisements, les fuites, le gaz de schiste ont impacté nos paysages ainsi que notre santé? Avec cette question, après les catastrophes et les marées noires, comment les ouvriers et les militants ont pris en charge ces enjeux de pollution industrielle et de santé? Des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis il y a le groupe Facebook, le groupe Le Cours de l'Histoire. Et pour nous parler de ces nouvelles pollutions, nous recevons ce matin Renaud Bécaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Vous êtes auteur d'une thèse intitulée « Syndicalisme et environnement de 1944 aux années 80 ». Publication prévue ? Ça devrait se faire. Publication prévue. Il faut publier ça parce qu'on est vraiment au cœur de préoccupations contemporaines. Et vous êtes là également, Martin Siloret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Grégoire à Rennes et chargé de cours à Sciences Po Rennes. Et vous, votre thèse s'intitule « La structuration partisane de l'écologie politique, une comparaison Bretagne-Pays de Galles dans les années 70 jusqu'aux années 1990 ». Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter un extrait du film Jared, un film de Sam Mendes. Nous étions au début des années 2000 et dans ce film, on croise la guerre du Golfe au début des années 90, quand les puits de pétrole irakiens sont en feu, où l'on croise également un géant. Ce géant, écoutez bien, il est évoqué, c'est James Dean. Bordel de merde ! Quoi ? Les puits de pétrole ! Ils y ont foutu le feu ! Il pleut du pétrole ! Il pleut du pétrole, les gars! Hé, hey, vous avez vu le film Géant? Vous avez sûrement vu ça! James Dean, merde! J'ai trouvé du pétrole, Pic! Je suis riche, Pic! Plus riche que toi! Laisse pas la gueule ouverte, soif, c'est du poison! Allez! Il saigne, la pauvre terre. Ouais, faudra vous habituer! Va falloir vivre là-dedans! Creusez vos tranchées, les gars! Elle saigne la pauvre terre dans le film Jared de Sam Mendes. C'était en 2005. Dans cette réflexion autour de cette nouvelle pollution, une pollution du XXe siècle, celle du pétrole, il y a déjà le moment où l'on prend conscience qu'il s'agit d'une pollution. C'est quelque chose d'extrêmement tardif, ça, Renaud Bécaud. Au début de l'exploitation de tous ces champs pétrolifères, on est plutôt dans une euphorie de progrès, une euphorie d'une ressource qui est une manne magnifique et qui porte l'industrialisation. Il n'est pas question de pollution dans les premiers temps de l'exploitation. Alors si, il est question de pollution, il y a une euphorie effectivement, mais une euphorie qui est partagée par les personnes qui vont mettre en exploitation ces gisements, qui vont avoir un intérêt économique à les valoriser. Par contre, pour des populations qui pouvaient vivre sur les territoires pétroliers, Ça a été le cas, par exemple, en France métropolitaine, en Alsace, même si ça reste un exemple relativement marginal. Mais dans le cas d'autres exploitations, dès la fin du 19e, par exemple, au Texas, il pouvait y avoir des paysans qui vivaient sur ces terres et qui ont conscience très rapidement qu'il s'agit d'une pollution qui va affecter leur économie traditionnelle. Et alors, cette pollution qui affecte l'économie traditionnelle nécessite que l'exploitation soit dans des zones déjà occupées. C'était le cas donc en Alsace, l'exploitation alsacienne. Cette pollution se traduit comment ? Alors, cette pollution, elle peut se traduire de différentes manières. Ça peut être, déjà, il va falloir transporter ce pétrole, donc il peut y avoir des fuites dans le transport de pétrole qui vont affecter des champs, par exemple, ou des cultures agricoles. Ça peut être une pollution de l'eau également, puisque qui dit extraction du pétrole suppose un certain nombre de forages, et donc potentiellement, le pétrole peut toucher des nappes phréatiques. Et d'ailleurs, c'est le cas, vous parlez des cours d'eau, on peut évoquer les lacs, et c'est un phénomène qui est mondial hein, au Venezuela, des lacs, c'est le lac Maracaibo, hein, qui est complètement pollué par le pétrole. C'est-à-dire que l'exploitation qui se fait un peu partout dans le monde a toujours les mêmes conséquences, mais on est dans une notion de fuite de pétrole qui coule. On ne réfléchit pas encore à des questions sur le moment qui sont liées à des pollutions beaucoup plus vastes. La pollution que l'on constate est évidemment la pollution visible. C'est celle-là qui, au début, intrigue. Au début, c'est effectivement cette pollution visible, mais une pollution qui peut aussi avoir un impact sanitaire, puisque quand on va boire de l'eau dans laquelle il y a du pétrole, il va y avoir un impact sanitaire. Donc là aussi, ce sera un impact visible sur la santé humaine, mais un impact qui est différé. C'est pas uniquement la pollution de l'eau en tant que telle. Et est-ce qu'il y a dans cette prise de conscience déjà des actions militantes ou on est juste dans la dénonciation d'une exploitation qui a des conséquences sur l'environnement ? Alors il peut y avoir des initiatives militantes, mais qui restent portées par des groupes relativement limités. Des groupes de paysans qui se groupent à l'échelle locale, que ce soit au Texas ou au Mexique au début de l'exploitation du pétrole au début du XXe siècle, ça a un impact relativement négligeable par rapport à la puissance que peuvent déployer des entreprises pétrolières à ce moment-là pour mettre en exploitation ces territoires. Donc ces alertes, elles sont souvent marginalisées au début de l'extraction de pétrole. Et d'ailleurs, Renaud Becot, il est essentiel de noter en fait ce bras de fer qu'il y a entre les énormes sociétés et ceux qui sont impactés par ces pollutions, qui sont faibles, qui sont petits, ils ne peuvent pas lutter. Et c'est vrai que c'est un jeu de puissance, hein, un jeu de rivalité. Et dans les premiers temps des exploitations, ici on se place au début du XXe siècle, on est vraiment dans une inégalité terrible, c'est-à-dire que les populations locales n'ont pas droit à la parole. Ce sont les grandes entreprises soutenues par l'État, c'est-à-dire qu'il y a une volonté globale de laisser faire. Alors il faudrait nuancer selon les pays, mais par exemple si on prend cet exemple mexicain qui est assez frappant, qui a été beaucoup travaillé, il y a un début d'extraction du pétrole au Mexique dans la région de Veracruz au tout début du XXe siècle, dans les années 1900. Là, ce sont des grandes entreprises américaines, la Standard Oil notamment, qui arrivent au Mexique pour mettre en exploitation ces gisements. Et là, l'ancienne économie traditionnelle agricole va être très rapidement évacuée en une dizaine d'années avec le soutien de l'État mexicain à ce moment-là. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'État mexicain va connaître une révolution dans la période de l'entre-deux-guerres. Et donc, il va y avoir une question sur comment gérer ces ressources pétrolières. Est-ce qu'on doit les laisser dans les mains des entreprises américaines ou est-ce que l'État mexicain doit les nationaliser ? Et donc, il va y avoir une décision qui va être prise par l'État mexicain en 1938 de nationaliser ces gisements. Néanmoins, la façon de gérer ces gisements ne va pas tellement changer après la nationalisation. La priorité, ce sera toujours l'extraction pétrolière et produire des richesses à partir de cette extraction avec l'idée que ces richesses pourront être redistribuées par la suite. Néanmoins, les pollutions restent, il n'y a pas de moindre pollution après la nationalisation. Avec toujours cet élément qui nous fait dire que la prise de conscience que l'on abîme l'environnement est quelque chose d'ancien. Ce n'est pas quelque chose des années 70 à 80, où souvent c'est vrai que l'on résume l'écologie à d'un seul coup un moment de crise et on se dit ah, il faut sauver l'environnement. Non, pas du tout. Quand on regarde sur un temps très long, il y a un discours autour de la protection de l'environnement et de la santé des gens. Oui, exactement. Ça, c'est tous les travaux sur la pollution industrielle au 19e siècle qui l'ont montré depuis une décennie. Maintenant, je pense aux travaux de Geneviève Massard-Guilbeault, de Thomas Leroux, de Jean-Baptiste Fressoz, François Jarry, Judith Reynorn. sur d'autres industries que le pétrole, hein, mais ils ont montré qu'il y avait bien une conscience de la pollution, de l'existence de cette pollution et de la persistance de cette pollution, et qu'il y a eu une action publique dès le début du 19e siècle dans ce domaine-là. Voilà, après c'est l'ampleur de l'action publique et c'est toujours ce bras de fer entre les grandes sociétés et les gens qui subissent ces pollutions. Et puis il y a une autre dimension à donner quand on étudie la pollution liée au pétrole, c'est un phénomène géographique, ce sont les différentes échelles. La pollution n'est pas la même selon que l'on se trouve dans une ville, selon que l'on se trouve dans une raffinerie portuaire ou selon que l'on se trouve dans un milieu complètement désertique comme par exemple le Sahara. Allons écouter les actualités françaises en mars 1959. 1947, une rumeur. Il y a du pétrole au Sahara. Bien sûr, depuis 50 ans, des géologues, des ingénieurs en parlent de temps en temps. Mais cette fois, la rumeur va s'amplifier. Des recherches sont entreprises. En 1956, à Hassim et Saoud, les derricks s'élèvent. Une ville commence à naître, les forages se multiplient. Et un jour, le pétrole jaillit. C'est une véritable mer de pétrole qui dort sous les sables du Sahara. 500 millions de tonnes récupérables à Hassim et Saoud. Mais le gisement en contient 1 milliard de tonnes. En tout cas, 500 millions de tonnes récupérables, cela représente la consommation de la France pendant 20 ans. Aujourd'hui sur France Culture, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à l'invention de cette nouvelle pollution, celle liée au pétrole. Renaud Bécaud, quand nous entendons un extrait des actualités françaises de 1959 qui évoque l'exploitation du pétrole au Sahara, nous sommes effectivement dans une pollution évidente, mais qui n'a pas d'enjeu pour les populations vu que nous sommes dans des zones désertiques. Cette pollution-là est réelle, mais complètement ignorée en fait. Complètement ignoré, non, puisqu'il y a quand même des populations qui vivent, même dans le désert, oui. Et qui ont conscience qu'il y a quand même ces pollutions. D'autant plus qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est dans un contexte de guerre d'Algérie. De fait, l'action de prospection pétrolière de la France dans le Sahara, à l'époque, est condamnée par la communauté internationale. Et donc, il y a quand même une conscience qu'il va y avoir un impact environnemental à ce moment-là. Alors je reformule ma question. L'exploitation du pétrole au Sahara est, par ceux qui exploitent le pétrole, complètement ignorée. On se moque complètement des pollutions que peut engendrer l'exploitation du pétrole. Ou alors, vous allez me corriger peut-être, est-ce que les sociétés qui sont en train de forer dans le Sahara se disent attention à ne pas tout abîmer ? Alors c'est clairement pas la priorité de protéger le Sahara dans ces années-là pour les compagnies qui forent et qui exploitent ces gisements. Par contre, on a conscience qu'en transportant par la suite ce pétrole vers le littoral algérien, puis vers l'Europe, il y aura un impact environnemental. Ça, on le sait. Oui, c'est vraiment l'élément, en fait, c'est comme un risque, en fait, comme la réflexion qu'on peut avoir autour des risques, c'est le lieu qui importe, et en l'occurrence, pour le pétrole, c'est cette notion de déplacement qui va poser problème, parce que ce déplacement, que ce soit par oléoduc, que ce soit par pétrolier, rend visible la pollution possible. Cet élément de visibilité est à prendre en compte quand on étudie la pollution autour du pétrole. À partir de quel moment elle pose un véritable problème ? L'oléoduc est en soi un élément qui peut porter la pollution. Oui, l'oléoduc, il peut y avoir des fuites qui sont assez récurrentes des oléoducs. Il y a des historiens qui ont travaillé à une histoire des fuites des oléoducs dans différents pays. Et pendant la guerre d'Algérie, par exemple, la grande crainte au moment où les gisements d'Hassim et Saoud commencent à être mis en exploitation, c'est que le FLN, le Front National de Libération Algérien, sabote les oléoducs. Donc on sait qu'il y a potentiellement une pollution qui pourrait être générée par ces sabotages. Et on sait que par la suite, le transport pétrolier à travers la mer peut aussi générer un certain nombre de pollutions. Oui, et ce jeu autour de la pollution du pétrole doit se comprendre selon les échelles géographiques, selon la géopolitique. L'élément du pétrole ne se limite pas simplement à l'industrie, l'industrialisation. Le pétrole doit être lu, et c'est ce que nous avons fait hier quand nous parlions du pétrole comme un élément géostratégique lors des conflits mondiaux. Le pétrole doit systématiquement être contextualisé, son exploitation doit être placée dans un cadre toujours plus large pour comprendre ses enjeux. Oui, effectivement, un cadre plus large à la fois des relations diplomatiques, parce que c'est essentiel pour comprendre les enjeux de l'exploitation du pétrole tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours, mais aussi un cadre plus large en termes, si on raisonne en termes de système énergétique. C'est-à-dire que le pétrole, il vient toujours compléter un mix énergétique plus vaste, charbon, ressources renouvelables aujourd'hui, le moment où on commence à consommer beaucoup de pétrole en France métropolitaine, c'est-à-dire principalement dans les années 50-60, on dit à l'époque, ce qui est faux historiquement, mais on dit à l'époque qu'il va se substituer au charbon. Et donc le pétrole devient l'énergie la plus consommée en France à partir de 1965, en dépassant le charbon, qui était l'énergie la plus consommée depuis près d'un siècle. Donc ce cadre large-là aussi, en termes de système énergétique, il faut l'avoir en tête pour bien contextualiser l'utilisation du pétrole. Et il y a vraiment une importance à souligner cette propagande que vous évoquiez, Renaud Becot, parce qu'il y a un contraste saisissant entre ce que l'on peut entendre dans votre discours, hein, un discours d'historien, et puis la propagande massive. Alors je dis propagande, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas telle que les actualités pouvaient véhiculer la parole officielle venue des gouvernements sur cette croissance magnifique que le pétrole va apporter. Le contraste est très fort parce que dans ce que peut présenter un gouvernement autour de la production du pétrole, il n'est pas question de pollution. On est simplement dans une vision positive de cette ressource. Oui, alors le pétrole est vu comme une ressource positive à plusieurs titres. Déjà, on dit qu'il va venir se substituer au charbon en considérant finalement qu'il y aurait une valeur intrinsèque du pétrole qui serait plus moderne que le charbon, ce qui va participer aussi à l'époque à disqualifier un certain nombre de figures dans la société française, en particulier les figures sociales incarnées par le mineur de charbon, qui va être un peu qualifié de l'ancienne classe ouvrière, alors que l'ouvrier du pétrole, du raffinage de pétrole en particulier, incarnerait une forme de modernité, une forme de travail moderne. Donc il y a cette idée-là qui est très présente à l'époque, effectivement. Oui, donc nous disions que pour comprendre le pétrole et les pollutions que le pétrole peut engendrer, il faut changer de cadre. On a évoqué un cadre géopolitique, un cadre plus large d'industrialisation. Il faut parler effectivement du cadre social. C'est-à-dire que le pétrole porte, et si là on se place à un autre moment, c'est-à-dire dans l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les Trente Glorieuses, si on se place à ce moment-là, le pétrole est un affichage de croissance, de prospérité d'une société qui est à nuancer, évidemment, parce que le charbon reste encore essentiel, mais le pétrole est la vitrine que l'on veut donner à l'industrie d'un pays. Oui, alors vous avez raison de souligner, c'est un point important, que le charbon reste important et qu'il va rester extrait encore pendant plusieurs décennies en France, qu'il va encore participer activement au mix énergétique et où finalement le pétrole vient s'additionner à des énergies qui étaient déjà présentes. Néanmoins, les mineurs de charbon effectivement vont être progressivement affaiblis par cette transition énergétique. Et quand on évoquait justement cette pollution autour du pétrole et des exploitations, nous voyons très bien la pollution liée au charbon. Nous avons les images en tête, des terrils, nous voyons cet aspect très sombre du charbon tel qu'il a été présenté dans la littérature. Et pour le pétrole, il y a une présentation officielle qui est faite de dynamisme. Ce dynamisme-là, on le retrouve en octobre 1948, toujours dans les actualités françaises, quand le pétrole traverse la mer. Technique française. À Frontignan, sur la côte méditerranéenne, un nouveau pipeline vient d'être mis en service qui permettra, par 15 mètres de fond, de décharger directement les lourds pétroliers modernes de 40 000 tonnes. Il a fallu pour cela construire une conduite sous-marine et tirer au large sur une longueur de 2700 mètres cette énorme masse de 270 tonnes qui ira chercher en mer les produits bruts destinés au raffinage. Remarquable effort accompli là par la raffinerie de Frontignan. En effet, de la conception originale à la réalisation pratique, il n'a fallu que 5 mois. Et le lancement lui-même, opéré en 12 heures, permettait quelques jours plus tard le déchargement d'un premier pétrolier. Remarquable effort qui permet aujourd'hui aux raffineries françaises de prendre un nouvel essor. 1948, les raffineries françaises prennent un nouvel essor et dans un engouement, un enthousiasme digne des actualités françaises. C'est sûr que quand le pétrole arrive sur les côtes françaises, nous sommes loin des enjeux de l'exploitation du pétrole au Sahara. Le pétrole qui arrive sur les côtes françaises, alors je pense, vous savez, les temps de Ber, Fos-sur-Mer, etc., se trouve directement en confrontation avec des paysans qui sont là, des agriculteurs. Il y a un changement d'environnement concret que les gens constatent. Alors là, on prend l'après-Seconde Guerre mondiale parce que ça prend une ampleur démesurée. Oui, alors Vous parliez de propagande tout à l'heure. Pour le coup, là, on a vraiment un extrait de vidéo qui a un discours propagandiste, puisque l'idée qu'il y ait un nouvel essor à partir de 1946 serait peut-être à nuancer. C'est à nuancer parce que finalement, la première génération de grandes raffineries en France métropolitaine, c'est autour de 1928-1929 et au tout début des années 30, suite à une loi, la loi de 1928, qui a contraint les entreprises étrangères à raffiner une part importante de leur pétrole sur le territoire de France métropolitaine. Donc en 1929, on voit apparaître la raffinerie de Petit-Couronne, par exemple, près de Rouen. On voit apparaître les premières raffineries autour de l'étang de Berre. On voit apparaître par la suite la raffinerie de Donge, enfin une première version de la raffinerie de Donge. Donc les premières grandes raffineries, c'est vraiment la fin des années 20, début des années 30. Après-guerre, évidemment, période de reconstruction. Donc on va étendre des raffineries qui existaient déjà. Ce sont des raffineries qui, pour la plupart, restent gérées par des entreprises étrangères. Mais progressivement, en même temps, à partir de 45-46, ce qui va vraiment changer, c'est le fait qu'il y a un investissement public de plus en plus important, en particulier des réseaux du ministère de l'Industrie, qui vont créer un certain nombre d'entreprises gérées par des fonds publics, principalement, qui vont faire un effort de prospection pétrolière, à la fois en France métropolitaine, mais aussi dans l'Empire colonial, et en particulier en Algérie. Et progressivement, ces investissements vont mener la France à réfléchir à la possibilité de se doter d'une entreprise publique du pétrole, mais ça n'interviendra qu'à la fin des années 50 et au début des années 60. Et pendant tout ce temps-là, Renaud Bécaud, est-ce que l'institution, l'État ou les collectivités territoriales réfléchissent à la pollution? Est-ce que c'est ce qui nous intéresse ce matin sur France Culture? C'est la nouvelle pollution, celle du pétrole. Est-ce qu'il y a une prise en compte, une prise en charge peut-être même, de ces nouvelles pollutions? Alors dans les années 30, autour de l'étang de Berre, il y a des protestations, par exemple des pêcheurs de l'étang de Berre, avec une série de mobilisations, de grèves des pêcheurs. Donc il y a une visibilité de ces protestations autour des raffineries dès les années 30. Ces protestations, elles vont entraîner un certain nombre de municipalités d'abord à prendre position, puisque c'est à l'échelle locale qu'on est le plus impacté. Et donc il y a des demandes de municipalités par rapport à l'État, d'intervenir davantage et de réguler les pollutions qui peuvent intervenir. Ces demandes, elles seront assez peu prises en compte jusque dans les années d'après-guerre, puisque par exemple, quand on installe une raffinerie jusque dans les années 60, on l'installe en vertu d'un décret qui a été pris à la veille de la guerre pour permettre des procédures d'urgence sur l'installation des infrastructures pétrolières. Donc un décret qui est un peu dérogatoire au droit de l'industrie plus général, et qui va être mis en cause dans les années 60 suite à une série de grandes pollutions. Oui, parce que la vraie question qui se pose, c'est à quel moment la conscience se développe, atteint la population, de dire le pétrole est quelque chose qui peut être dangereux. Sinon, prenons de manière, encore une fois, géographique la question. C'est vrai que tout le monde n'est pas concerné. Dans les temps de Berre, on voit concrètement la pollution. Si l'on se place ailleurs, la pollution du pétrole n'est pas une évidence. Si, peut-être, par la voiture, est-ce qu'il y a une conscience que les véhicules polluent dans ces années 60? À quel moment, là où l'on imagine tout de suite cette ferveur automobile, dont on va parler demain d'ailleurs dans le cours de l'histoire, à quel moment on se dit la voiture est quelque chose qui pollue? En fait, c'est extrêmement tard. Là encore, il faut nuancer. C'est comme Verlaine, hein, la nuance, encore la nuance. Alors, deux choses. D'abord, avant de répondre sur les voitures, qui sont les personnes qui peuvent protester contre le pétrole, il faut voir qu'effectivement, ces protestations, elles passent d'abord par l'échelle locale, par les territoires qui vont être impactés, notamment par le raffinage, pour ce qui concerne la France métropolitaine, en tout cas. Mais là, dans ces cas-là, on a des protestations qui sont très précoces, qui sont dès le moment d'installation des raffineries. Après, si je souligne ce point-là, c'est aussi pour dire que ces raffineries, fréquemment, elles vont être installées dans des territoires qui ont déjà connu des industries polluantes précédemment. Ça va être le cas dans les années 60 pour le sud de la région lyonnaise. C'est le cas dès les années 30 pour la région de Rouen, où il y a une implantation chimique qui est ancienne et donc une forme d'accoutumance des populations à ces pollutions industrielles. Et puis en plus, il y a la réalité du travail. Ces industries donnent du travail. Et on sait bien que c'est une problématique assez complexe. Comment critiquer quelque chose qui peut nous faire vivre en nous donnant de l'emploi? Ça aussi, c'est un élément qui peut limiter les contestations dans les zones où il y a pollution. Renaud Bécaud. Oui, alors, ça donne ces industries de raffinage en particulier donnent du travail direct dans les raffineries. Elles peuvent donner du travail aussi dérivé dans les industries pétrochimiques, je pense qu'on va y revenir, qui se grefferont autour des raffineries, qui créent un bassin d'emploi. En même temps, il faut voir que par rapport à des industries qui fonctionnaient par exemple au charbon ou aux mines de charbon en tant que telles, ce sont des entreprises qui créent relativement moins d'emplois, voire nettement moins. Par contre, dans les années 50 et 60, un des arguments qui va être utilisé par les autorités publiques, les autorités préfectorales, en particulier dans les départements où vont s'installer des raffineries, c'est le fait que si on ferme des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon, on pourra éventuellement permettre à certains ouvriers une reconversion professionnelle vers les raffineries. Donc ça, c'est un argument effectivement qui est utilisé à l'époque, même si on sait que tous ces ouvriers ne seront pas repris dans les nouvelles infrastructures, puisqu'il y aura moins d'emplois que dans les anciennes industries. Oui, parce que l'enjeu qui nous préoccupe sur la pollution, on le sent, est beaucoup plus complexe de simplement dire l'oléoduc fuit et il y a une pollution. Cette pollution liée au pétrole est en plus une pollution difficile à aborder. Celle que l'on voit nettement est celle du pétrole qui coule. Et on va évoquer évidemment les marées noires, mais il n'y a pas que cette pollution-là. Il y a tout un aspect de pollution qui est beaucoup plus complexe. Et les premiers touchés, ce sont les ouvriers. Ces ouvriers dans les usines, eux, bénéficient d'un emploi grâce à une raffinerie, par exemple, ou à une usine de pétrochimie, mais en même temps sont en train d'être contaminés et abîmés par cette même entreprise. Là, le discours est compliqué, le positionnement est difficile pour savoir s'il faut lutter contre la pollution ou pas. Comment se construit ce discours-là ? Et j'imagine qu'à ce moment-là, mais vous avez travaillé sur cette question-là, Renaud Becco, à ce moment-là, on se tourne vers les syndicats, par exemple, parce qu'on est sur des questions d'hygiène à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Alors, effectivement, il y a ces pollutions, donc il y a ces pollutions visibles d'un côté et ces pollutions plus insidieuses de l'autre, des pollutions toxiques en particulier, qui ne produisent pas d'effets forcément sur le moment, qui peuvent produire des effets parfois plusieurs décennies après l'exposition de ces salariés, mais aussi des riverains à des substances toxiques. Parce que j'insiste sur ce point, c'est le fait que les pollutions industrielles, elles traversent toujours les murs d'une usine. Les murs d'une usine, c'est une fiction administrative, juridique, qui a été créée pour des besoins de régulation de l'espace productif, de l'espace de travail. Pour autant, les pollutions industrielles ne respectent pas ces frontières administratives. Et donc, il y a une difficulté historique à articuler justement la façon dont on intervient contre les pollutions à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, qui explique aussi en partie pourquoi ça a été difficile lorsqu'il y avait des épisodes de protestation contre les pollutions industrielles pour les riverains de se lier aux salariés ou réciproquement. Après, quand on commence à prendre en charge ces pollutions, quand les salariés commencent à prendre en charge ces pollutions, principalement dans les années 50, pour celles que je connais le mieux, 50 et 60, effectivement, ils se tournent vers les syndicats, ils se tournent particulièrement vers la capacité qu'ont les syndicalistes à produire des formes de contre-expertise à l'intérieur des instances représentatives du personnel, et en particulier à l'intérieur, à l'époque, des comités d'hygiène et de sécurité, qui vont connaître une montée en puissance dans les industries pétrolières et pétrochimiques à la fin des années 60, en permettant de documenter un certain nombre de pollutions invisibles ou insidieuses, et en permettant parfois des aménagements techniques à l'intérieur des raffineries pour limiter ces sources de pollution. Avec un moment très particulier, celui des années 60, puis des années 70, où là, la prise de conscience évolue radicalement, que ce soit dans l'ensemble de la population, mais évidemment pour les ouvriers. Et d'ailleurs, puisque nous parlons des ouvriers du pétrole, nous allons faire un petit clin d'œil au roughneck. C'est un terme que l'on utilise pour désigner les travailleurs qui sont sur les puits de pétrole. Les roughnecks, ils sont également chantés par Johnny Cash. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling keys and laying pipes, hard labor. Well, I was born in a boomer shack about a half a mile from town. Papa was a driller on a wildcat crew, and my mama never was around. I learned to cuss when I was two, and fight when I was three. And by the time I was five, there was no kid alive could ever get the best of me. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling case and laying pipes, hard labor. started working like a regular man when I was just about knee high. Skinning the knuckles on my two bare hands, but they never heard me cry. I remember walking down the road and hearing somebody say, he was born to live a roughneck's life and he's never gonna change his way. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling case and laying pipe is hard labor. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling case and laying pipe. Johnny Cash qui rend hommage aux roughnecks, ceux qui travaillent dans les puits de pétrole, et dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à l'invention de cette nouvelle pollution, la pollution du XXe siècle, celle du pétrole, une pollution qui a des conséquences géopolitiques, qui a des conséquences sociales, des conséquences environnementales et qui ne se limite pas simplement à quelques gouttes qui sortent d'un oléoduc, qui est beaucoup plus massive. Martin Siloret, vous avez travaillé sur, je redis le titre de votre thèse parce que je l'aime bien, structuration partisane de l'écologie politique. Et il y a plein de mots intéressants parce qu'il y a de la structuration, il y a partisane et déjà on voit que c'est clivant, et de l'écologie politique. Mais surtout, vous commencez votre travail à partir des années 1970, 1974 précisément. Et nous avons bien vu tout de suite en discutant avec Renaud Becot que cette fin d'année 60, année 70 est un moment de changement dans l'appréhension de la pollution autour du pétrole. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là ? Bah, moi, j'avais choisi 74 comme point de départ, essentiellement parce qu'en France, c'est la candidature de René Dumont à la présidentielle. Donc, c'est le premier candidat écologiste. Voilà, premier candidat écologiste à une élection nationale en France. Et qui structure pour la première fois en fait un discours politique écologiste, et c'est la première fois qu'on a ça, et en fait les caractéristiques de son discours finalement elles restent assez valables, enfin c'est un impact durable sur la suite du mouvement. Ensuite, le début des années 70, c'est vraiment une période clé. Bon, on arrive à la fin des Trente Glorieuses d'une part, et puis on a la publication du rapport au Club de Rome en 72 qui pour la première fois, enfin en tout cas c'est la première fois qu'il y a un document d'une audience telle qui attire l'attention sur les limites à la croissance, en termes de ressources essentiellement, mais aussi en termes de pollution, en termes de contre-productivité. Donc on arrive aussi au moment du pic pétrolier, de la crise pétrolière. Donc il y a des préoccupations sur l'environnement qui sont multiformes, à la fois du point de vue de la pollution, mais aussi des ressources. Parce que la manière dont le pétrole est abordé à l'époque par les écologistes en particulier, que ce soit René Dumont par exemple ou d'autres, c'est pas que sous l'angle de la pollution, c'est aussi sous l'angle de la raréfaction des ressources. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre, on commence à prendre conscience que si on continue à augmenter notre consommation annuelle de pétrole, on va arriver au pic de Hubbert. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation où la production annuelle va forcément commencer à décroître. Avec des impacts, évidemment, en termes de coûts et en termes de prix. Faut bien voir que, voilà, le débat sur la pollution liée au pétrole, il est indissociable de la prise de conscience des limites en termes de ressources. Et du côté de la pollution, alors peut-être que vous l'avez pas dit, enfin peut-être que vous le direz à un autre moment dans la semaine, mais c'est une époque où le réchauffement climatique n'est pas du tout à l'agenda. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on n'a pas conscience, il y a des données scientifiques qui existent, mais qui donnent pas vraiment un aperçu de l'ampleur du problème encore. Du coup, l'enjeu de la pollution, elle est surtout sur ce dont Renaud parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les pollutions locales sur les sites d'extraction, sur les sites de raffinerie, puis sur les sites de transport. Peut-être qu'on va y venir avec les marées noires. Vous avez bien raison de parler de prise de conscience sur l'ampleur du problème, parce que la conscience est là, et c'est vrai que quand on regarde les archives, on trouve régulièrement des messages dès les années 70 qui disent « attention ». Il y a la fonte des glaces, attention, le temps se réchauffe, mais il n'y a pas cette ampleur. Et avec ces années 70, on sent quand même un discours qui s'impose, vous l'avez évoqué, Martin Siloret, un discours qui s'impose politique, on va dire, avec une candidature d'un écologiste à la présidence. Mais ce discours devient un discours à travers la société, chez les uns, chez les autres, avec un débat d'arguments. Vous venez de Bretagne, et bien ça tombe bien. Nous allons trouver deux industriels bretons, mais c'était en avril 1973, donc au moment où l'on commence à discuter d'écologie de manière plus sérieuse et plus affichée. Deux industriels bretons qui évoquent dans un documentaire de l'ORTF ce qu'est la France défigurée. Vous allez voir, pour eux, elle n'est pas si défigurée que ça. Est-ce que quand vous voyez une vieille voiture rouillée sur la voie publique et abandonnée, vous dites, tiens, c'est le constructeur qui est responsable de cette production. On vous reproche de faire un matériau qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que la nature n'avale pas, ne digère pas facilement. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, monsieur, dites-vous bien que nous avons mis beaucoup de temps à étudier des matériaux qui ne se dégradent pas. Cet emballage, il a fallu le trouver. Il faut qu'il soit de plus en plus protecteur, de plus en plus résistant, de plus en plus léger également. Et la matière plastique est intervenue pour participer à ce service qui consiste à apporter au consommateur des matières de plus en plus modernes pour lui permettre de protéger les aliments, de protéger les autres produits qui font le bien-être de la vie. Et c'est pour cela que nous avons étudié des matières résistantes. Ce n'est donc pas un défaut d'être résistant, nous pensons avant tout que c'est une qualité. Un industriel breton en 1973 ne comprend pas la pollution parce que, justement, il fallait fabriquer des matériaux qui pouvaient durer, qui ne devaient pas être biodégradables. Il y a un débat qui est très fort dans les années 70. J'ai presque envie de dire qu'il est beaucoup plus clivant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la prise de conscience fait que l'on sait, et il y a même des décisions législatives qui disent qu'il faut limiter ce qui n'est pas biodégradable. Dans les années 70, on est dans une réflexion presque inverse. Certains défendent et mordent le fait que la pollution n'est pas vraiment le souci, c'est la production avant tout. Oui, l'abondance, le culte de l'abondance, il est partagé, que ce soit au Parti communiste ou au Parti socialiste ou à droite, par exemple, du point de vue politique, c'est quelque chose de très majoritaire et ça commence à changer, ça commence à craquer un peu justement au fil des années 70, à partir en fait de la fin des Trente Glorieuses, à partir de la fin de la période d'expansion. C'est un peu les fêtes finalement qui viennent contredire ce type de discours. C'est pour ça que la notion de prise de conscience, moi je la manie avec un peu de pincette, parce que finalement ce qu'on appelle la prise de conscience vis-à-vis des dégâts environnementaux, souvent elle est assez immédiate dès que les dégâts environnementaux deviennent massifs. Vous parliez de la voiture tout à l'heure, à partir de quand est-ce que la voiture a commencé à faire débat? En fait, dès le départ, c'est-à-dire que dès que la voiture a commencé à se développer dans les villes dans les années 20, ça a commencé à tuer des passants. Et donc, il y avait des protestations de la part des passants. Dès qu'on a commencé à aménager les voies de circulation dans les villes pour que les voitures puissent circuler plus rapidement, exemple les voies sur berge à Paris, tout de suite, les associations écologistes se sont mobilisées au début des années 70, par exemple, avec les Amis de la Terre. Donc finalement, il n'y a pas de prise de conscience différée dans le temps par rapport aux enjeux. Les enjeux, au fur et à mesure qu'ils s'aggravent, créent des réactions qui sont de plus en plus vives. Oui, c'est en fait l'ampleur de la prise de conscience, oui, et la diffusion en fait de certains discours. Vous, Renaud Becco, vous avez étudié notamment, et cette prise de conscience qui se diffuse dans les médias notamment apparaît au moment des catastrophes, vous avez étudié une catastrophe en 1976, elle a eu lieu, c'est celle de Fezzin. Vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé là-bas ? Alors en 1966. 66, j'ai mal fait mes calculs. Alors, ce qui se passe à Fezzin, en fait, donc, ça fait partie de la deuxième génération de raffineries dont je parlais tout à l'heure, qui sont installées dans les années 60. Il y a une entreprise publique, l'Union Générale des Pétroles, qui est créée au tout début des années 60, avec l'idée que la France pourra bénéficier du pétrole algérien, pourra tirer profit de ce pétrole pour créer ce qui pourrait devenir peu à peu une majeure pétrolière à l'échelle internationale et concurrencer notamment les grandes entreprises pétrolières américaines, hollandaises et britanniques. Donc à ce moment-là, la réflexion qui se tisse dans les milieux industriels pétroliers français et autour du ministère de l'Industrie, c'est de créer cette grande entreprise et d'installer de nouvelles raffineries en France. Donc on construit cette raffinerie très rapidement à Fezzin. La décision est prise à la fin de l'année 61. Elle est inaugurée en 1964. Et le 4 janvier 1966, elle explose. Ce qui est un traumatisme à l'époque, c'est une catastrophe qui est extrêmement médiatisée. On parle à l'époque de première catastrophe moderne pour l'industrie, ce qui serait à nuancer évidemment. Mais ça montre qu'il y a un traumatisme parce que on est dans les années où on est passé au pétrole comme énergie dominante dans le mix énergétique français et parce que cette industrie apparaissait comme hyper moderne. Elle était de fondation très récente. Donc il y a 18 morts suite à cette explosion et une forme de protestation contre l'idée que cette explosion, finalement, ça marquerait uniquement un moment de la catastrophe, mais qu'il pourrait y avoir des effets différés, en particulier qu'il pourrait y avoir des pollutions qui auraient un impact sanitaire qu'on ne pourrait pas évaluer à ce moment-là. Donc ce qui va se passer dans la prise en charge des conséquences de cette explosion, c'est d'un côté qu'il va y avoir des réformes administratives locales, bon, je passe sur ce point, il va surtout y avoir une montée en puissance des compétences des instances représentatives du personnel et des comités d'hygiène et de sécurité avec une prise en charge syndicale des questions de santé et de régulation des risques industriels qui va devenir de plus en plus importante à la fin des années 60 et dans les années 70, en entraînant un certain nombre de conflits dans les industries pétrolières et pétrochimiques. Et le troisième point, c'est qu'il va y avoir une transformation des régulations publiques à l'échelle nationale, puisqu'à partir de 66 commence à se structurer un petit service à l'intérieur du ministère de l'Industrie, le service de l'environnement industriel, qui va réfléchir à la manière de moderniser les formes de régulation des pollutions, ce qui aboutira par la suite, en 1976, à l'adoption d'une nouvelle réglementation sur les risques industriels, qui intégrera les risques pétroliers notamment. Donc c'est la loi de 76 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, avec, entre 66 et 76, le passage de ce service de l'environnement industriel vers les services du ministère de l'Environnement. Oui, il y a vraiment une prise en charge, une prise en charge par l'État, avec notamment un secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle au début des années 70. On sent que vous avez évoqué, vous, Renaud Bécaud, l'importance des syndicats. Les syndicats regardent cette question. Les ouvriers, nous l'avons dit, se pose la question, l'État également se pose la question, mais ce qui va développer au-delà de la catastrophe de Fezzen une autre conscience du risque de la pollution liée au pétrole, c'est évidemment en 1978 une catastrophe gigantesque, celle qui a marqué les esprits parce qu'elle a produit des images fortes, nous sommes tributaires de l'image diffusée dans les médias, c'est celle de la Moco Cadiz. Il est donc 20h40, le supertanker avec ses 221 000 tonnes de brut est définitivement immobilisé en face des côtes bretonnes. À 22h40, l'équipage envoie 6 fusées rouges de détresse. Cela signifie, nous risquons de couler, nous demandons l'assistance des sauveteurs. À 6h moins le quart, la Moco Cadiz se casse en deux à la hauteur des machines arrière. À bord donc, 221 000 tonnes de brut et plus de 4 000 tonnes de gazoil pour les machines. Depuis la levée du jour, un ou deux caissons laissent échapper lentement leur cargaison. Plusieurs kilomètres carrés d'une pellicule noirâtre s'approchent lentement des côtes et ont même atteint certaines côtes à l'heure qu'il est. Le navire n'est qu'à 2 kilomètres à vol d'oiseau des premières maisons et les habitants ont été réveillés ce matin par l'odeur du mazout. Nous avons tous encore en tête hein, les images des oiseaux mazoutés au moment de cette marée noire. Martin Silleret, la marée noire en Bretagne est un moment majeur du regard que l'on peut porter sur ces pollutions, sur cet aspect massif, sur la destruction qu'elle peut engendrer. Vous avez travaillé sur la structuration partisane de l'écologie politique. Et je voulais savoir, autour de cette notion de partisane, comment se construit le militantisme politique lié à des événements massifs comme la marée noire. Ça a changé, ça a attiré des militants pour réfléchir sur comment lutter contre les pollutions. Oui, clairement, ça a transformé le milieu militant écologiste, ou dirait-on d'abord environnementaliste, breton en particulier. Ce qu'il faut bien avoir en tête en ce qui concerne la Bretagne, c'est qu'on peut pas parler de la marée noire au singulier. La Moco Cadiz, en fait, c'est la 4e marée noire en 11 ans. Alors c'est de très loin la plus grosse, hein. Quand elle survient, c'est la plus grosse marée noire de toute l'histoire du pétrole en réalité. Oui, de 200 000 tonnes, parce que le Torrey Canyon, c'était 40 000 tonnes. Voilà, le Torrey Canyon. Alors, le Torrey Canyon, c'était plus de 100 000 tonnes, mais sur place, ensuite, il y a eu, en effet, environ 40 000 tonnes qui ont migré vers la Bretagne. Donc, ça, c'était en 67. Vous avez eu deux petites marées noires, enfin, en termes relatifs, en 76. Et finalement, la Moco Cadiz arrive 2 ans après, en 78. Et la réception de la marée noire par les Bretons, et en particulier par les associations et par les syndicats, on peut pas la comprendre si on prend pas en compte le fait que c'est la 4e. Et qu'on a l'impression que l'État n'a pas du tout été à la hauteur, en fait, que l'État d'une part, mais en particulier l'État, oui, n'a pas été à la hauteur des enjeux en termes de prévention des risques. Parce que déjà en 67, on avait beaucoup de colère. Le Torrey Canyon, il coule au large de la Cornouaille britannique, donc assez loin des côtes bretonnes. Mais en fait, les courants aidant, en fait, la nappe de pétrole, enfin, une bonne partie de la nappe de pétrole atteint les côtes. Des côtes d'Armor, alors que le gouvernement français en fait annonçait que non, il n'y aurait pas de problème. C'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, ça va s'arrêter à la frontière, etc. Donc déjà à l'époque en 67, on y a déjà un peu de colère et déjà ça ébranle un peu les associations environnementalistes qui sont assez modérées, qui sont souvent des associations dirigées par des universitaires avec une approche très scientifique. Donc par exemple Bretagne Vivante, enfin, l'association qu'on appelle aujourd'hui Bretagne Vivante, à l'époque c'est une association assez modérée et qui se politise progressivement à partir de 67, 68 en plus, ce qui évidemment change un peu le milieu militant.